you tripping, bro. T'as moi la main, je te la sers avec sincérité. L'amour devenu trop rare, pour son réveil viens militer. Broyé par les mandibules de Babylone, noyé sous un tsunami de haine. Pour un rien les gosses cognent, la noirceur des cœurs si forte qu'elle en cache le soleil. Un conseil, plaisante pas avec les chercheurs d'oseille. Ils vont arracher tes organes en moins d'2. Matin au lieu, drogue légale, bouffe l'étale. Ici la merde, on l'étale, les cravatés nous abattent comme une volée de col vert. On ramasse des armées comme le croiseur Colbert. Tellement de corps tombés et d'âmes tristes, je cherche encore les miettes de paix comme un utopiste. On se débat, mais impossible de rebattre les cartes. Toujours classé en fond de cale, donc je rappe comme 4 dans la débâcle. Pas moyen de fuir, mais si c'est le dernier acte, autant tout donner, péter des rotules pour le spectacle. Pour avoir de l'aide, j'ai tout fait. Quand j'ai tout fait, j'ai cru en l'homme, mais j'avais tout faux. Pour avoir de l'aide, j'ai tout fait. Quand j'ai tout fait, j'ai cru en l'homme, mais j'avais tout faux. Pour avoir de l'aide, j'ai tout fait. Quand j'ai tout fait, j'ai cru en l'homme, mais j'avais tout faux. Pour avoir de l'aide, j'ai tout fait. Quand j'ai tout fait, j'ai cru en l'homme, mais j'avais tout faux. Survie dans un monde de cinglés, la paix s'est fait tringler. On n'entend plus les sanglots. Putain, viens, on met tous les cons dans le même enclos. On est entouré de pourriture. Certains se battent pour le pouvoir, et d'autres pour de la nourriture. Il en faut plus pour les émouvoir. Certains se jettent par la fenêtre. Ce désespoir, qu'est-ce qu'il a fait naître? Y'a de la merde à se coltiner, mais personne veut y aller. La liste des horreurs est tellement longue que je suis sûr qu'on en a omis. L'être humain est mauvais, demande à Naomi. Ma gorge serre sa maker. Remballe ton air, mon cœur. Dès que rempire, dirige la terre entière. Et si je pouvais, je les aurais détruits. Je vois que tes ports est détruit. L'espoir est mort, enseveli par les débris. Pour avoir de l'aide, j'ai tout fait. Quand j'ai tout fait, j'ai cru en l'homme, mais j'avais tout faux. Pour avoir de l'aide, j'ai tout fait. Quand j'ai tout fait, j'ai cru en l'homme, mais j'avais tout faux. Pour avoir de l'aide, j'ai tout fait. Quand j'ai tout fait, j'ai cru en l'homme, mais j'avais tout faux. Pour avoir de l'aide, j'ai tout fait. Quand j'ai tout fait, j'ai cru en l'homme, mais j'avais tout faux. Le frère Mapogo, on a choisi les cris pour qu'on entende les cris. Naomi Moussenga, George Floyd, Cédric Chouvia, Frank Tyson, Irvo Tieno, Adama Traoré, Black Jack, Zeri, j'ai cru en l'homme, mais j'avais tout. Tu le sais.